moment de la journée. Going around the image clockwise. Le jour, midi. L'après-midi. Le soir. La soirée. La nuit. Minuit. Le matin. L'avant-midi. La matinée.